Le Nouvel Hebdo nous apprenait sous la plume de Serge Tremblay que le propriétaire de la salle de quai de Boom-Sicily, ça fait plus de 30 ans, Renald Tremblay a décidé de vendre et prendre sa retraite. Donc c'est un pionnier, une page d'histoire des quais dans le secteur de Dolbeau qui se tourne. On va lui parler pour savoir un peu qu'est-ce qui a motivé sa décision. Salut Renald! Salut. Renald, je sais que pour t'avoir parlé régulièrement, c'est une décision certainement que t'as pris, t'as mûri, t'as réfléchi longtemps. C'est-à-dire que mûrir, oui, j'y pensais. Oui. À cause de l'âge que. C'est prenant aussi, hein? Mais. Comment? C'est prenant aussi, donc. C'est prenant aussi. C'est des heures et des heures et des heures, hein? Non, ça n'avait pas de rapport. J'étais encore consentant à faire ça. OK. OK, c'était pas. C'est le fruit du hasard. Là, c'est sûr que le train a passé pour moi, fait que je l'ai accepté, c'est tout. Quand tu es rendu une certaine âge, tu n'as pas eu le choix. Surtout que j'avais des projets, plein de projets. J'aurais jamais voulu lâcher, mais la vie m'amène là. Puis. Surtout, la désolation, c'est de ne pas avoir trouvé de partenaire. Là. C'est pas évident. C'est des bons investissements. Puis, j'en ai parlé longtemps comme ça, peut-être que j'aurais fait un article sur les journaux ou encore sur les radios. À l'effet, mais s'associer avec des gens, c'est pas évident non plus. Non, c'est pas évident non plus. Est-ce que les quais sont en santé à Dolbeau-Mississigny? Parce que là, il y avait bien qu'un salon de quais dans le secteur de Dolbeau. Là, on se retrouve gros gens comme devin que plus rien. Il y a quand même au-dessus facilement 200 joueurs de quais à Dolbeau-Mississigny. Ça, c'est des gens qui doivent être certainement déçus, j'imagine. On tournait à 550 entrées par semaine. Là. C'était très populaire. C'est ça peut-être pas comme autrefois. Autrefois, j'ai monté jusqu'à 1000 joueurs en ligue, 1400 entrées. Okay. Et là, j'étais plutôt à l'entour de 550. Mais on faisait encore des très bonnes affaires, surtout quand que ton entreprise est avancée et payée. Ouais. Est avancée de payer. C'est que on faisait des bonnes affaires, puis faire un investissement majeur. Quand même, c'était à l'époque, c'était 1,6 million. Oui, c'était en 94, ça. Oui, je pense que c'était le premier qui avait... Oui, c'est moi qui ai le premier qui avait sorti à l'époque la nouvelle CHVD. Je me rappelle très bien. Puis c'était un bel investissement. Puis, écoute, 1400 joueurs, puis il y avait dans le secteur de Mississini aussi. Donc, il devait avoir bon an, mal an, facilement 2000 joueurs dans ce temps-là. Dans le secteur de... Eux autres, je pense qu'il y avait 400 joueurs. Ça donnait 1800 joueurs qui jouaient. Là. C'était populaire partout dans le Québec. OK. Ton meilleur souvenir, c'est quoi, au bout de 32 ans de quai? T'en as vu du monde, t'en as vu des joueurs, t'en as vu des championnats. C'est quoi? Le plus gros, c'est mes premières années où ce que j'avais le tournoi provincial, même international. Il y a même des joueurs aux États-Unis qui sont venus ici. Okay. Il y avait des professionnels qui sont venus même donner des cours, puis on vivait, c'était vraiment l'euphorie, c'était vraiment spectaculaire. Là. Oui, j'avais même des joueurs de New York qui venaient de sa compétition. Là, on avait quand même 10 000 piastres de bourse, dont 3 000 piastres au premier, ça fait que c'était intéressant. OK. Mm. Donc, ça fait pas mal de joueurs aussi. Mais est-ce que les quais, dans ce temps-là, j'imagine que c'était fort aussi le calibre? Oui, c'était très... Quoi qu'aujourd'hui, les meilleurs sont encore plus forts. Okay. Exemple, et ceux qui ont sorti, qui avaient une vingtaine d'années, qui sortent aujourd'hui, c'est des gens qui vont tourner autour de 2,40 de moyenne, 2,30. Même, oui, mon gars, il va même jouer aux États-Unis. Ouais. Il y en a au moins, 10 joueurs qui vont jouer aux États-Unis, dont un sur le tour qui fait excessivement bien. C'est parce que les quilles au Québec sont pas populaires, là. Même si sont populaires au niveau activité, mais au niveau sport, on n'en parle pas au Québec. On a vu François Lavoie qui connaît sûrement. Il a même joué junior à 19 ans, il est même venu compétitionner chez nous. Après ça, Sport Sud. Il a fait du sport au sud aux États-Unis, parce que c'est la mecque des quilles aux États-Unis, au niveau sport. Puis, il vit de ça. Là, et cette année, il va gagner environ 300 000. Là, c'est sûr que le problème des quilles aussi vaut au niveau professionnel, ben c'est difficile de gagner, ben c'est difficile de gagner des gros montants parce que t'es pas capable de rentrer de spectateurs dans un salon de quilles. Mais il est quand même, j'ai fait quelques entrevues avec Renal, il est quand même troisième ou quatrième au Québec. Aux États-Unis, c'est à PBA. Là. PBA qui est très populaire. Là. Donc, ouais, puis il est encore plus haut que ça. Là. Il vient de gagner New York. Là. OK. Ouais, la deux semaines, il a gagné New York. Ça veut dire, ça veut dire qu'il doit être un premier. Là. Cette année, sûrement le meilleur boursier. OK. Je ne savais pas qu'il avait gagné. Parce que je pensais moi, que la PBA avait arrêté. Le championnat a arrêté. C'est tout dernièrement, ça, qu'il a gagné à New York? Oui, voilà trois semaines, il a gagné un autre championnat à New York. Hey, on n'a même pas entendu parler. C'est complètement capoté pareil. Hein? On n'a même pas entendu parler. Donc, au Québec, on n'est pas là d'un qui. Non. Je trouve ça dommage pareil parce que le gars, il est à Fox, donc Fox Sports, puis ainsi de suite. Donc, puis il passe complètement incognito. Donc, c'est quoi tes plans de carrière maintenant? Donc, tes plans, pas de carrière, mais tes plans, c'est de profiter de la vie, profiter des moments de ta famille, profiter un petit peu de tes petits-enfants. C'est quoi, en fait? Ben, c'est ce que je fais présentement, là, mais je vais aller aider probablement que Saint-Félicien a besoin. Là, moi, mon division de traiteur s'en va à Saint-Félicien. Okay. Fait que je vais sûrement aller le partir. Après ça, les quilles ont été... Ça a été le plus attaqué au niveau de la COVID. Ça fait qu'il y a des problèmes à Chicoutimi. Est-ce que ça a fait en sorte que ça a avancé ta décision? Certainement, hein? Non, pas en tout. Non? Ça n'a rien à voir? Non, c'est ça. La COVID, si j'aurais eu quelqu'un, un jeune exemple, mon fils aurait arrêté, aurait aimé ça, être entrepreneur, ben j'aurais fait... Moi, je voulais en devenir... D'ailleurs, le salon de quilles de Lebeau, il y a 24 pieds de haut. Là. Il va y avoir même un deuxième étage avec les meubles. Fait que moi, je pouvais pas faire deux étages. J'avais des idées de mettre des laser tag, après ça, mettre un mini pot d'intérieur, parce que ma spécialité, qui est le chiffre d'affaires, était rendu que c'était ma division salle de réception traiteur. Mmh. D'ailleurs, si vous alliez sur Internet, ça aurait fonctionné sur espace3d.ca. Okay. 3D pour des salles, des salles de divertissement. C'est que j'avais déjà des choses à monter en cours. Mon site Internet il était déjà là, je peux passer par Saint Lantier. Renald, tu penses-tu qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont suivre à Saint-Félicien, puisque t'as quand même 550 joueurs? Tu penses-tu qu'il y a au moins une centaine de joueurs qui doivent avoir des passionnés là-dedans qui vont suivre à Saint-Félicien? Non, je pense pas. Ben là, il y a des projets qui... je penserais pas. La distance est quand même 70 km d'aller-retour. Là. Il y en a quelques-uns, là. Il n'y a pas de problème, là. Mais d'être là, aller toutes les semaines, aller jouer dans une ligue à Saint-Félicien, j'y crois plus ou moins. D'ailleurs, quand il stationnait fermé, il était quand même dans la même ville, là. J'ai pogné 50 joueurs, puis il y en avait au moins 100. Ça a été correct pour moi. Là. Même ma division traiteur a été plus avantagée que ma division bowling. OK. Ben, Renald, prends soin de toi. Une bonne retraite. Je t'ai travaillé fort. T'en as mis des heures. Je te voyais travailler. T'as dû mettre des 80, 90, 100 heures. Donc, profite des tiens qui te restent, je veux dire de tes petits-enfants et ainsi de suite. Je sais que tu n'arrêteras pas complètement. Ils disent que la retraite, on est plus occupé que jamais. Fait que, fort probable que tu connaissant, tu vas ça va être difficile. Ça va être très difficile. Renald, bonne retraite, puis merci d'avoir... C'est surtout le monde qui va me manquer. Ouais, merci beaucoup. C'est les gens là-dedans. Les gens, c'est des frères et des sœurs. Il y a des gens que ça faisait 32 ans qu'ils travaillent, qu'ils jouent au hockey chez nous. Quand ils arrivaient chez nous, ils rentraient comme chez eux. Le plus compliqué, c'est les gens. Là. Les hockey, on fait pas juste ça pour la business. On fait ça pour le plaisir, puis le fun. Il faut t'aimer le monde. Moi, c'était mon cas. J'ai tout le temps été entouré dans toute ma vie, d'ailleurs. Même enfant, j'étais comme ça. Ouais. Renald, bonne retraite, puis au plaisir de se parler. OK. Renald Tremblay, un des pionniers du monde du quai dans le secteur de Dolbeau, qui tire sa révérence après plus de 30 ans comme propriétaire du centre quai de Dolbeau.